présent, nous allons regarder ce que nous dit le Béline. Quel est son message pour les Vierges, pour nos amis Vierges, pour le mois de mai 2022. Donc, que nous dit ? Quel est le message du Béline pour mai 2022 pour les Vierges ? Alors, Vierge, mai 2022. Alors, on va voir. Hein. Ça peut tout et rien dire. Ça peut vouloir tout et rien dire. Bon, peut-être des doutes par rapport à un contrat, un engagement. On va voir la suite du tirage. Alors, quel est le message du Béline pour les Vierges pour le mois de mai 2022? Tac, tac. Hop, je mets les autres cartes de côté. Oui, c'est bien ça, hein, ça. C'est ce dont me faisait penser la coupe. Le tirage confirme. En fait, ces derniers temps, vous avez peut-être cherché à retrouver du plaisir au travail, dans vos activités. Vous avez peut-être douté sur est-ce que vous étiez suffisamment valorisé ou pas. Et en tout cas, c'est vrai que par rapport à un contrat qui est là, qui est bien présent, un travail stable que vous avez, il y a deux lectures, hein. Je vais vous donner l'autre lecture après du tirage, mais il va y avoir des discussions assez rapides, assez rapidement, qui vont vous faire vraiment plaisir. Et donc je pense que par rapport aux doutes que vous pouviez avoir sur le fait qu'on vous appréciait ou pas au travail, eh bien vous allez apprendre que oui, c'est un grand oui, vous allez être vraiment encouragé. L'autre possibilité, c'est que vous n'ayez pas d'emploi actuellement. Eh bien, dans ce cas-là, franchement, le mois de mai est excellent pour en trouver un contrat assez solide, plutôt un CDI. Et donc, c'est le moment de mettre les bouchées doubles dans vos recherches parce que vous allez réussir vos entretiens. Vous avez toutes les chances de votre côté. Donc, ayez confiance en vous et croyez en votre étoile. À bientôt !